Saint-Maurice pour les automobilistes en provenance de Tignes ou Val d'Isère. Enfin, en Haute-Savoie, il y a une retenue dans les deux sens sur l'A40 au péage de Nangis. Et en Isère, on compte 1,5 km de bouchons sur l'A480 et la Nationale 85, l'axe qui relie Grenoble aux stations de Loisan. Au PC d'Osiris, à Albertville, Nathalie Colle, France Bleu Pays de Savoie pour France Inter. Il est 13h20, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir écouté. Bonne journée à tous. Merci Denis Astagnaud. Tout de suite, les prévisions météo de Jacques Kessler de Météo France. La météo avec Démépool, réseau national de déménageurs pour les entreprises et les particuliers. Beaucoup de nuages dans le nord et l'ouest du pays, mais très peu de pluie, principalement sur la Bretagne. Des nuages aussi tout autour de la Méditerranée, parfois quelques gouttes, un peu de neige à 1000 mètres sur les Cévennes. L'après-midi sera généralement ensoleillé du Pays Basque au Midi-Pyrénées, l'Auvergne, Rhône-Alpes, les régions de l'Est. Des brouillards très tenaces tout de même dans la vallée de la Saône et sur le plateau de Langres. Température maximale prévue, 5 degrés à Strasbourg, 6 à Paris, 8 à Brest, 10 à Toulouse, 12 à Ajaccio, dans l'ensemble proche de la normale. Demain, temps humide près de l'Atlantique et l'après-midi aussi dans le sud-ouest. Des pluies plus marquées du golfe du Lion aux Pyrénées-Orientales, neige à 1000 mètres et aux Cévennes, neige à 700 mètres. De la pluie aussi sur la façade orientale de la Corse. Le soleil devrait en revanche s'imposer du nord au bassin parisien et continuer à briller dans l'est et sur les Alpes, mis à part quelques brouillards dans les vallées. Au lever du jour, il fera jusqu'à moins 5 à Nancy, Strasbourg ou Grenoble. Les températures les plus élevées seront de 7 degrés à Perpignan et Marseille. Dans l'après-midi, ce sera à peu près comme aujourd'hui, tendance à la douceur pour le début de la semaine. Merci Jacques Kessler, 13h21, vous écoutez France Inter, on retrouve tout de suite Patrick Pénaud, rendez-vous avec X, c'est jusqu'à 14h. C'est une histoire terrifiante. L'histoire d'El Cachetón, comme l'appelle familièrement le peuple péruvien. El Cachetón, c'est-à-dire le joufflu. Mais ses partisans, eux, l'appellent plus respectueusement le président Gonzalo. Et lui-même, au temps de sa splendeur, n'hésitait pas à se qualifier d'incarnation de la pensée la plus élevée de l'humanité, ou encore de soleil rouge, de phare de la révolution mondiale, et même de quatrième épée du marxisme, les trois autres épées n'étant rien moins que Marx, Lénine et Mao. Bref, vous l'avez compris, le joufflu avait une très haute idée de lui-même, mais sa mégalomanie a causé, directement ou indirectement, la mort de quelques 60 000 Péruviens. Monsieur X a donc choisi cette semaine de me parler de cet étrange personnage qui répond plus modestement au patronyme de Guzman, Abimael Guzman Reynoso, pour être tout à fait précis. Leader charismatique d'une organisation révolutionnaire et terroriste connue sous l'appellation de Sentier Lumineux. Guzman a terrorisé le Pérou pendant plus de 10 ans, jusqu'à son arrestation en 1992. Mais sa défaite n'a pas mis fin à la violence et certains de ses partisans, s'inspirant de sa pensée, n'ont pas déposé les armes et réapparaissent sporadiquement, même si, de sa cellule, leur gourou, lui, a aujourd'hui condamné la lutte armée. Qui est vraiment Abimael Guzman? Est-ce une sorte de Pol Pot à la péruvienne qui prophétisait que le triomphe de la révolution coûterait 1 million de morts? Comment a-t-il été arrêté? A-t-il été trahi? Ou bien a-t-il passé une sorte de pacte avec les autorités péruviennes et le sulfureux président Fujimori? Et enfin, quels étaient les rapports du Sentier Lumineux avec les narcotrafiquants? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles M. X se propose de répondre. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours sereins. Et nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle. Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la paix. Tu vois, je n'ai pas oublié Les feuilles mortes se ramassent à la paix. Les souvenirs et les regrets aussi. Et les vents du nord les emportent dans la nuit froide de l'oubli. Et tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Mais la vie, c'est pas ce qui s'aime tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur les sables. Inter, rendez-vous avec X. En 1992, le Pérou est au bord du gouffre. Le sentier lumineux multiplie les coups de main, les attentats et les massacres. Et la situation paraît si grave qu'à Washington, on envisage très sérieusement la victoire de l'organisation terroriste. Un rapport de la Rand Corporation évoque même une asphyxie progressive de la capitale, Lima. Ouais, mais 1992, c'est aussi l'année de l'arrestation du chef du Sentier Lumineux. Hein. En septembre, oui. Mais si j'ai voulu commencer par là, c'est que la menace était réelle et que la stratégie de Guzman visant à provoquer le chaos était sur le point de réussir. Alors, revenons en arrière et essayons de comprendre. Abimael, ça vous dit quelque chose ? L'Apocalypse, non ? Oui, oui, le cavalier de l'Apocalypse. Et ce n'est certainement pas par hasard si Guzman a choisi ce prénom. Parce que ce n'est pas son vrai prénom ? Non. En réalité, il se prénomme Abismael. Ah, et il a volontairement supprimé le S. Eh, bien sûr. Ouais. La pensée de Guzman est un curieux syncrétisme de christianisme, de maoïsme et aussi de mythologie inca. Ouais, un vrai salmigondi. En effet. Alors voyons d'où vient cet étrange et redoutable personnage qui a si longtemps terrorisé le Pérou. Un mot d'abord sur ce pays. Il existe, comme dans de nombreux pays de la région, de profonds déséquilibres. Déséquilibres sociaux et géographiques, mais aussi ethniques. Les Indiens y sont toujours méprisés par les descendants des colons espagnols et les métis, ce qu'on appelle les cholos. Tout cela habite la côte, tandis que les Indiens occupent la montagne et la jungle. Et la plus grande partie du pays. Oui, des régions souvent peu accessibles, où les communications sont difficiles et où l'État est donc peu présent. C'est important, parce que le Sentier Lumineux va naturellement profiter de cette situation. Mmh. Donc, Guzman, c'est un métis, un enfant illégitime né au milieu des années 30. Dans quel milieu ? Sa mère, morte alors qu'il a tout juste 5 ans, était issue d'un milieu très modeste. Ce n'est pas le cas de son père qui va le recueillir. Que fait-il, lui, hein ? Il est grossiste et il a les moyens d'envoyer son fils dans l'un des meilleurs collèges du pays, un établissement dirigé par des religieux. Puis, C'est l'université où le jeune homme étudie le droit et la philosophie. Mmh. Quel genre d'étudiant ? Très sérieux et plutôt introverti. Gusman, un gros jeune homme, sourit rarement et les gens qui l'ont croisé à l'époque ne lui ont connu nulle aventure amoureuse. Se rattrapera par la suite, puisqu'on prétendra même que, devenu chef adulé du Sentier Lumineux, il sera entouré d'un véritable harem. Ce qui n'empêchera pas d'exiger de ses disciples un strict puritanisme. Ah, mais le chef, lui, n'est pas soumis à la règle commune. Ah, bah, bien entendu. Abimael Gusman a 24 ans. Lorsqu'après avoir passé une thèse sur l'état démocratique bourgeois, il adhère au Parti communiste. Et très vite, il se révèle être un très bon orateur. Ah, l'introverti s'est transformé, hein. Oui, et peut-être est-ce dû à son mariage avec la fille d'un dirigeant communiste qui aura une grande influence sur lui. Quoi qu'il en soit, Gusman doit aussi penser à travailler. Et justement, le recteur de l'université d'Ayacucho lui offre la chaire de philosophie. C'est très important pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il va enseigner. Ah, bah, pas seulement. Ayacucho, dans la langue des Indiens Quechua, ça veut dire le coin des morts. Et c'est Simon Bolivar qui lui a donné ce nom après la victoire de son armée sur les troupes royalistes espagnoles. Et l'accession à l'indépendance des colonies espagnoles d'Amérique latine. Hein. C'est donc un lieu symbolique. Et plus tard, Gusman fera de la région un véritable fief du Sentier Lumineux. D'autant que cette province a déjà connu une guérilla d'extrême gauche. Quand ? Au début des années 1960. Mais l'armée, avec l'aide des services secrets états-uniens, en est venue rapidement à bout. Ce qui permettra d'ailleurs aux militaires de s'emparer du pouvoir à la fin de cette même décennie. Hmm. Et le parcours alors de Gusman là au sein du Parti communiste péruvien ? Ben, les mouvements communistes sont alors traversés par les conséquences du schisme sino-soviétique. Et il faut choisir. Oui. Hmm. Et Gusman n'hésite pas longtemps. Il opte pour le maoïsme. Et il fait partie des militants qui provoquent une scission du Parti communiste péruvien en créant le PC Drapeau Rouge. Mieux, il va se rendre en Chine pour voir d'un peu plus près ce qu'est la révolution culturelle mise en œuvre par Mao. Mmh. Et il en revient dans quel état d'esprit ? Ah, il est enthousiaste. Et il est bien décidé à enseigner à ses étudiants les beautés du maoïsme. Sous son autorité, l'université d'Ayacucho devient un vivier de militants d'extrême gauche. Et ça s'explique assez bien. Ces jeunes gens sont des Indiens ou des Métis. Une population généralement issue de la campagne et qui estime être victime d'une véritable discrimination ethnique. Tel est donc le creuset de ce qui deviendra un peu plus tard le Sentier Lumineux. Les autorités péruviennes alors laissent faire ? Non, le gouvernement a bien compris que l'université était un foyer de subversion et afin de réduire son influence, il décide de réduire son financement. Mais Gusman et ses amis ne se laissent pas faire. Ils mobilisent la population et finalement ils obtiennent satisfaction. Bien, les crédits sont rétablis. Et Gusman a encore élargi sa base. Pourtant, son mouvement est victime de scissions en cascade. Ouais, ça, comme beaucoup d'autres partis extrémistes de gauche ou de droite. C'est exact. Hein. Enfin, je vous passe les détails, mais c'est en 1971 qu'émerge vraiment le Parti communiste Sentier Lumineux. En fait, là, d'où vient cette appellation curieuse ? D'un texte d'un journaliste qui était l'un des inspirateurs de Gusman, un certain Mariátegui, un marxiste-léniniste qui a dénoncé dans les années 20 l'exploitation des Indiens et réclamé le partage de la terre. Dans un texte, ce journaliste annonçait des lendemains qui chantent sur des sentiers lumineux. Un poète, enfin je comprends mieux. Ouais, plus étrangement pour un marxiste, Mariátegui soutenait que l'histoire était faite par des hommes possédés, des chefs illuminés par une croyance supérieure. Et Gusman va prendre ça pour lui ? Bah, la paranoïa aidant, évidemment. C'était un texte prémonitoire. Mmh. Par ailleurs, quelle est l'action concrète de Gusman ? Bah, je vous l'ai dit, petit à petit, il réussit à faire de l'université d'Ayacucho un fief maoïste et il est en première ligne quand il s'agit de s'opposer au gouvernement maintenant dirigé par des militaires. Des officiers qui, il faut le souligner, car ce n'est pas si fréquent, mène une politique sociale favorable aux plus démunis. Enfin, peu importe pour Gusman, le pouvoir, quel qu'il soit, est l'ennemi. Ça se traduit par des manifestations, il y a des morts, et Gusman lui-même est arrêté en 1970 et emprisonné. Peu de temps, bah, il va bénéficier d'une amnistie. Mmh. Est-ce qu'il a déjà en tête la volonté de passer un jour à la lutte armée ? Certainement, mais pas tout de suite. Il entend d'abord se livrer à une campagne d'agitation et de propagande. Pour lui, il s'agit de préparer les conditions du passage à la guérilla en créant les bases de la future armée populaire. Et naturellement, comme souvent dans les mouvements de ce type, il procède à plusieurs épurations. Et il expulse les plus modérés ? Et tous ceux qui répugnent à le reconnaître comme le chef incontestable du Sentier Lumineux. Et quand estime-t-il alors que le parti est prêt à basculer dans la clandestinité ? À la fin des années 70, Gusman abandonne son poste à l'université et devient le camarade Gonzalo, qu'on appellera bientôt le président Gonzalo. Il enclenche alors la deuxième phase de son plan. des actions militaires en s'appuyant, comme Mao, sur les paysans. Mmh. Et il prévoit combien d'autres phases ? Trois. Ensuite vient la généralisation de la violence, attentats et sabotages. Puis, ultérieurement, il imagine la création de zones libérées et la formation d'un gouvernement provisoire. Et enfin, la guerre totale jusqu'à la prise du pouvoir. Ouais. Alors revenons à la première phase, comment ça commence ? Oh, par un acte symbolique. Un commando du Sentier Lumineux brûle les urnes électorales dans un village de la province d'Ayacucho. Et notez-le bien, cette première action intervient alors même que les militaires viennent de renoncer au pouvoir. Mmh. D'autres actions suivent ? Oui, celui qui se définit lui-même comme le seul leader vivant de la révolution mondiale a décidé de lancer ce qu'il appelle la guerre populaire prolongée. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos sí encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura. Sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. À quoi ressemble Abimaël Guzman ? Dans leur livre sur le Sentier Lumineux, Alain Herthog et Alain Labrousse en dressent le portrait suivant. Comme dirigeant du parti, il assiste sans broncher aux controverses, laissant à ses lieutenants le soin d'intervenir dans les débats. Un comportement en accord avec son attitude dans la vie privée. Ce petit homme replet, très légèrement métissé, au visage bonhomme est en effet très introverti. Il lit avec intérêt les œuvres des penseurs idéalistes comme Heidegger et Jaspers. Certains prétendent même qu'il traversa des périodes de doute pendant lesquelles il fut tenté de se consacrer à la philosophie et que c'est la flamme révolutionnaire de son épouse, Augusta, qui l'a poussé à s'engager toujours plus avant. Jusqu'au passage à la lutte armée, le couple vit de façon modeste, austère même. Très attaché aux formes de la vie provinciale, Abimael s'intéresse en particulier aux technologies agricoles andines. C'est vêtu d'un poncho et chaussé de sandales taillées dans des pneus usagés qu'il rend visite à son père qui vit à Lima. On parle de lui comme d'un homme bon et serviable, mais ses adversaires politiques se souviennent surtout de son dogmatisme et de son sectarisme. Un fonctionnaire chargé de la réforme agraire à Ayacucho n'a pas oublié le petit gros qui dirigeait un groupe d'étudiants fanatisés et l'accusait d'être un agent de l'impérialisme. Durant les deux premières années de cette guerre populaire prolongée, pour apprendre le jargon de Guzman, le Sentier Lumineux s'attaque aux stations de télécommunications et aux policiers. Il s'agit dans ce dernier cas de récupérer les armes. Car le mouvement de Guzman n'en possède pas encore ? Très peu. Et Guzman ne veut surtout pas bénéficier d'aide extérieure, même de pays qui partagent peu ou prou la même idéologie. Surtout depuis la mort de Mao et l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping, qui n'est pour Guzman qu'un traître et un révisionniste. Par conséquent, il lui faut s'équiper sur le tas, si j'ose dire. Et avec ses armes volées, les guérilleros du Sentier Lumineux attaquent ensuite des bâtiments officiels. Quelle est alors la réaction du pouvoir ? Assez étonnamment, alors que les actions armées se multiplient, le gouvernement péruvien réagit de façon assez molle. Pendant les deux premières années, il considère que ces attentats sont le fait de bandes de délinquants. Et donc pas de militants politiques. Oui, mais ça va changer vers la fin 1982, quand le pouvoir décrétera l'état d'urgence dans les zones où sévit le Sentier Lumineux et enverra l'armée. Et dans ces zones, justement, alors, comment la population accueille-t-elle les militants du Sentier Lumineux ? Au début, plutôt favorablement, puisqu'ils affirment vouloir secouer le joug des dominateurs. D'autre part, il y a parmi eux des Indiens. Et les gens du Sentier Lumineux, assez habilement, font souvent référence aux croyances locales. Quoi, aux légendes ? Oui, je ne vous donnerai qu'un exemple. Les Indiens des Andes croient à l'existence d'êtres malfaisants, les Nakaks, qui, au service des citadins, attaquent les paysans, les tuent et s'emparent de leur graisse. C'est étonnant, ça. Oui, j'ai lu quelque part que ces Indiens sont persuadés que cette graisse est en particulier utilisée pour lubrifier les cloches des églises. Oh, ça, c'est une croyance qui doit dater des débuts de la colonisation espagnole. Certainement. Hein. Ouais. Et le Sentier Lumineux s'est servi de ce mythe pour persuader les paysans que les Nakaks étaient grands, blonds et vêtus de jeans. Ouais, je vois. Des gringos. Et naturellement. Et les blancs ont perdu la vie à cause de cette superstition. Ouais. Donc, pour revenir un peu en arrière, le Sentier Lumineux est d'abord accepté par la population. Oui, enfin ça ne va pas tarder à se gâter. Mais pourquoi ? Parce que le Sentier Lumineux entend tout régenter dans ses communautés. Ainsi, à la place des autorités traditionnelles, il institue des comités populaires. Des soviets ? Il y a un peu de ça, oui. D'autre part, les disciples du président Gonzalo recrutent des jeunes gens, et quelquefois de force. Et ça aussi, ça passe mal. Autant que le Sentier Lumineux réprime férocement toute tentative de contestation de son autorité. Et au besoin, il ordonne l'exécution des présumés traîtres. Guzman entend donc régner par la terreur. Il est incontestablement fasciné par la violence et la mort. Comme les Khmers rouges cambodgiens, il est persuadé que le monde nouveau qu'il veut créer doit naître dans le sang. Et la violence purificatrice. Certainement. Le Sentier Lumineux n'hésitera jamais à perpétrer de véritables massacres dans des communautés soupçonnées d'être trop tièdes ou d'avoir des accointances avec les autorités. Enfin, je poursuis. Jusqu'à la fin 82, vous ai-je dit, le pouvoir réagit peu. Toutefois, avec l'instauration de l'état d'urgence, c'est l'armée qui va intervenir en première ligne. Oui, c'est l'escalade. Forcément. Et les militaires vont faire preuve de la même férocité dans leur lutte contre les sentieristes que les guérillos du Sentier Lumineux. Le résultat, c'est que la population se trouve prise entre deux feux. Quand elle n'est pas victime de la politique de terreur de Guzman, elle doit subir les exactions de l'armée qui la soupçonne de faire cause commune avec le Sentier Lumineux. Un général péruvien ose même déclarer qu'il est légitime de tuer 10 personnes si parmi elles se trouve un seul sentieriste. Alors on massacre à la vogue. Oui, et la terreur répond à la terreur. Et dans cette terrible compétition, il sera souvent difficile de savoir à qui attribuer les tueries. Sans exonérer le moins du monde le Sentier Lumineux, je suis certain que plusieurs massacres de villageois prétendument assassinés par les révolutionnaires ont été en réalité tués par l'armée. Est-ce qu'on a une idée du nombre de morts? Il y a un peu plus d'un an, une commission de vérité et de réconciliation a tenté d'établir un bilan. Au total, elle comptera 69 000 morts provoquées par cette guerre absurde, qui d'ailleurs n'est toujours pas terminée. Mais enfin, n'allons pas trop vite. En même temps, conformément au plan élaboré par Guzman, le Sentier Lumineux se déploie dans le pays. Il s'implante dans la vallée de Huallaga, c'est la principale zone de production de coca du pays, et même du monde. Pour contrôler cette production, j'imagine. C'est évident, les sentieristes s'instituent protecteurs des paysans qui cultivent la coca. Et le trafic de drogue vers la Colombie va grassement alimenter les caisses du mouvement. D'autre part, le Sentier Lumineux infiltre les bidonvilles des grandes cités. La guérilla devient donc aussi urbaine, et le Sentier Lumineux se livre à des actions spectaculaires et symboliques. Il sabote, par exemple, l'approvisionnement électrique de Lima et plonge la capitale dans les ténèbres. Mais attendez, en quoi cette action est-elle symbolique, là? Ben, les Indiens croient à ce qu'ils appellent le Pachacuti, c'est-à-dire le renversement du monde. Le jour où le bas deviendra le haut et où la nuit deviendra le jour, et vice-versa. En procédant à ce gigantesque sabotage, le Sentier Lumineux entend donc annoncer que le Pachacuti est proche. Il ne faut jamais oublier qu'il y a du messianisme dans l'action de Guzman. Et ses partisans le considèrent d'ailleurs comme une sorte de dieu. C'est effrayant, hein? Ah oui, mais c'est la réalité. Et encore une fois, ce culte de la personnalité répond aussi aux croyances les plus profondes des Indiens qui pensent qu'un jour, le dernier Inca décapité par les Espagnols, le Tupac Amaru, ressuscitera et chassera tous leurs oppresseurs. Ouais. Guzman ne se prend quand même pas pour l'Inca, non? Allez savoir. En tout cas, le mythe Tupac Amaru est resté très vivace dans les populations indiennes d'Amérique latine. Et c'est en se référant à l'Inca comme symbole de la résistance que plusieurs guérillas verront le jour. Au Pérou même, une organisation armée, le MRTA, Mouvement Révolutionnaire Tupac Amaru, apparaît au milieu des années 80. D'inspiration guévariste, il commet des attentats, perpètre des sabotages, s'attaque aux intérêts états-uniens, prône la justice sociale, mais contrairement au Sentier Lumineux, il ne commet très peu d'assassinats. Alors, pour le Sentier Lumineux, ce MRTA, c'est ça, est un concurrent. Bah, bien sûr. Guzman a tout de suite compris le danger. Pour les sentieristes, cette organisation devient l'ennemi numéro un. Avant même l'armée et la police. Oui, et une vraie guerre va opposer les deux mouvements dans Lima. Plusieurs militants du MRTA tombent sous les balles des sentieristes. À la même époque, le pouvoir péruvien, pourtant dirigé par un président de centre-gauche, Alan Garcia, donne une nouvelle preuve de sa volonté d'éradiquer le Sentier Lumineux par tous les moyens. Racontez, hein. Des centaines de membres du Sentier Lumineux sont alors emprisonnés. Mais peu à peu, ces prisonniers ont pris le pouvoir à l'intérieur des établissements où ils sont enfermés. Le pouvoir, c'est-à-dire? Ces prisons sont devenues des sortes d'universités révolutionnaires autogérées. On y récite le petit livre rouge de Mao et on y apprend la pensée du président Gonzalo. Pour le pouvoir, cette situation est intolérable. Et il va prendre prétexte d'une série de mutineries pour autoriser l'armée à pénétrer dans les prisons et à y rétablir l'ordre. Ça donne lieu à de véritables massacres de prisonniers, un bain de sang. 250 sentieristes sont tués. Avec l'accord du pouvoir? En principe, non. Le président Garcia désapprouvera l'action des forces armées. Il promettra même que le crime ne restera pas impuni, mais aucun responsable ne sera poursuivi. Et ces massacres n'auront pour seul résultat que de radicaliser encore un peu plus le Sentier Lumineux. Oui, mais puisque vous m'avez dit que l'armée était intervenue à la suite de mutineries, hein, ne peut-on pas penser que les gens du Sentier Lumineux se sont livrés à une provocation? Pour susciter la répression? C'est en effet possible. Mais dans ce cas-là, l'armée péruvienne a agi au-delà des espérances de Guzman, qui ne s'attendait certainement pas à ce que la répression soit aussi féroce. En tout cas, effectivement, Guzman proclame que ce jour est devenu celui de l'héroïsme. Et il est immédiatement célébré par une vague d'attentats. Alors, concrètement, pour Guzman, c'est donc une sorte de victoire politique? Exactement. Pour lui, le gouvernement péruvien a dévoilé son vrai visage, celui d'un pouvoir fasciste. En outre, le Sentier Lumineux, pour la première fois peut-être, apparaît comme une victime. Dans la stratégie de Guzman, c'est capital. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Pour mieux approcher la personnalité d'Abimael Guzman, il n'est pas inutile de se pencher sur sa prose. Ainsi, ce discours prononcé en 1980, juste avant le début de la lutte armée, devant l'école militaire de son parti. Les temps sont venus, camarades, les temps sont là, c'est le temps de la grande rupture. Rompons avec tout ce qui nous lie au vieil ordre pourri pour le détruire complètement et entièrement. Car si, dans ce monde caduc, nous avons encore le moindre intérêt, nous ne pourrons pas le détruire. Hommes, pris individuellement, nous pouvons être faibles, mais la révolution, elle est toute puissante. Et la révolution armée plus encore, car elle s'appuie sur la masse, qui est la force de la terre, parce qu'elle est dirigée par le parti, qui est la lumière de l'univers. Le destin des ennemis est pesé et scellé, et sentier lumineux est l'avenir, la force, l'histoire, la lumière de l'univers. Le parti communiste purassier a engendré la lumière en se nourrissant du marxisme-léninisme, pensée Mao Tse-tung. Camarades, l'évolution du monde, l'évolution du pays et l'évolution du parti sont liées, donc l'avenir est assuré. Le pouvoir populaire est invincible, c'est nous qui le portons. De plus en plus, même si le sentier lumineux, à l'exemple de Mao Tse-tung, considère que le centre de la guerre populaire se trouve dans les campagnes, il estime qu'il faut porter le fer dans les villes. Et donc recruter dans les milieux urbains. Les milieux défavorisés, oui. Mais ce faisant, les sentieristes vont entrer en concurrence avec les militants des syndicats ouvriers et aussi avec tous ceux qui essaient de venir en aide à la population des bidonvilles. Et le sentier lumineux n'hésitera pas à se débarrasser d'eux. En les assassinant ? Oh, parfaitement. Je vous rappelle, si vous l'avez oublié, que deux ingénieurs agronomes français travaillant pour une ONG seront égorgés en 1988. Ce qui provoquera d'ailleurs le départ du Pérou de toutes les autres ONG. Alors cette fois, la posture de victime du sentier lumineux est bien mise à mal. C'est certain, mais le président Gonzalo n'en a cure. Et en cette fin des années 80 et au début des années 90, il est maintenant lancé dans une spirale de violence qui ne semble jamais pouvoir se terminer. Car Guzman, même si l'un de ses adjoints est capturé en 1988, semble insaisissable et toujours plus assoiffé de sang. En ces années-là, rares sont les régions péruviennes qui ne connaissent pas la violence du sentier lumineux. Et un bon quart des provinces de ce pays, deux fois grand comme la France, est totalement déstabilisé. Est-ce que ça veut dire que le sentier lumineux, il fait la loi, enfin, dans ces régions? Dans certaines, oui. D'ailleurs, les guérilleros ont fait en sorte d'en liquider ou chasser tous les représentants de l'État. Autre chose, est-ce que vous avez une idée des effectifs du sentier lumineux? Ce n'est jamais facile de comptabiliser le nombre de membres d'une organisation clandestine. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais certains spécialistes américains proches de la CIA ont estimé que l'organisation devait rassembler 25 000 hommes et femmes. Des femmes? Oui, le sentier lumineux comptait de très nombreuses femmes. Et elles n'étaient pas là pour faire la cuisine. Non seulement certaines appartenaient à la direction du mouvement, mais d'autres, les dames de la mort, comme on les a appelées, dirigeaient des commandos de tueurs. Mais je reviens à l'effectif du sentier lumineux. Sur ces 25 000 membres, seuls quelques milliers étaient réellement des combattants. Finalement, ça fait assez peu, non? Alors comment expliquer que l'armée péruvienne, vraisemblablement conseillée par des agents états-uniens... C'est exact, et aussi des techniciens sud-américains de la contre-révolution. Ouais. Alors je reprends, comment expliquer que les forces de l'ordre ne soient pas venues à bout du sentier lumineux? Je vois principalement deux raisons. D'abord, le Sentier Lumineux était une organisation extrêmement compartimentée. Donc étanche. Oui, et le recrutement obéissait à des règles très strictes. L'impétrant devait donner des gages, assassiner un policier et lui voler son arme, par exemple. Ouais. Alors pour pénétrer l'organisation, il aurait fallu tuer des policiers. C'est ça, oui. Ensuite, le mouvement faisait régner la terreur et décourageait ainsi les indiques et les renégats. Oui, donc il était très difficile de lutter contre le Sentier Lumineux. Et pourtant, le pouvoir péruvien marque toutefois quelques points. Avec quelle méthode? Vraisemblablement, sur le conseil des spécialistes de la CIA, le gouvernement péruvien crée, à l'image de ce qui s'est fait au Vietnam ou encore au Guatemala, des hameaux stratégiques, c'est-à-dire des comités de défense formés de villageois, ce que les péruviens appellent des rondes. Au départ, ça ne marche pas trop bien, parce que les paysans ont peur d'affronter le sentier lumineux. Mais les massacres s'accroissant, ces rondes obtiennent de premiers succès contre les guerrieros et sont parfois capables de repousser leurs attaques. Un premier succès, là. Incontestablement. C'est que les choses ont commencé à changer au Pérou. En 1990, contre toute attente, un quasi-inconnu est élu à la présidence. Oui, Fujimori. Oui, Alberto Fujimori. Un ingénieur d'origine japonaise que les Péruviens vont très vite appeler Chino. Le Chinois. Fujimori hérite d'un pays à l'économie délabrée et miné par la guerre civile. Mais il est décidé à agir. D'abord en imposant une politique d'austérité, puis en créant une unité antiterroriste composée de policiers spécialisés. Il retire donc la lutte antiterroriste à l'armée? Pas complètement, non. Mais il espère que cette unité arrivera à remonter jusqu'au chef, tant celui du Sentier Lumineux que celui du MRTA. Toutefois, malgré les succès que ces policiers vont assez vite engranger, le ver est dans le fruit. Le ver, là, c'est... qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, le principal conseiller de Fujimori, son chef des services secrets aussi, est un certain Montesinos. Ah ouais, vous avez déjà évoqué ce personnage. Hein, exact, c'est... oui. Donc vous savez que cette âme damnée du président Fujimori va prendre une place de plus en plus importante et monter un considérable système de corruption. Mais enfin, nous allons en reparler. Et aujourd'hui, hein. Alors, ces premiers succès-là. Bah d'abord, en 1991, Guzman est blessé au cours d'un affrontement armé avec les forces de l'ordre, mais il réussit à s'enfuir. Pourtant, on imagine mal hein, cet intellectuel un peu rondouillard, les armes à la main. C'est vrai, mais enfin là, il a réellement tiré sur la police. À la suite de cet incident, Fujimori lance une impressionnante campagne médiatique. Il faut, dit-il, détruire le mythe Guzman. Ouais. Puisqu'on vient de faire la preuve, là, qu'il n'est pas invincible. C'est ça. Et le président peut même se moquer du leader du Sentier Lumineux en produisant une cassette vidéo montrant Guzman en train de danser le sirtaki. Le sirtaki, c'est amusant, mais enfin, ça montre surtout que la police commence à le serrer de près. Et qu'il existe sans doute un traître dans son proche entourage. Guzman réplique à sa façon en ordonnant toute une série d'assassinats de civils dans les rues de Lima. Son objectif, c'est clairement de rendre le pays ingouvernable. Et d'en profiter pour s'emparer du pouvoir. Oui. Et c'est alors en septembre 1992 que l'unité antiterroriste de la police marque un point capital en arrêtant Guzman. Comment ça se passe alors? Oh, très simplement. Le président Gonzalo se trouve alors dans une villa cossue d'un quartier résidentiel de Lima. Il est entouré de plusieurs dirigeants de son organisation et il n'oppose aucune résistance. Enfin, c'est lamentable hein, pour un leader aussi charismatique et féroce. En effet, pas de résistance, rien. C'est en effet assez piteux. Mais enfin, ça ne s'arrête pas là. Attendez, avant d'aller plus loin là, Guzman a-t-il été victime d'une trahison? C'est certain. Dans son organisation, certains de ses compagnons mettaient en doute sa politique. Pour quelle raison? Bah, ces gens-là qui se prétendaient maoïstes purs et durs. Des intégristes, quoi. Voilà. Ils reprochaient à Guzman de mettre le paquet, si vous me pardonnez cette expression, sur les villes. Ah oui, et de négliger de plus en plus les zones rurales, donc. Oui. Et alors, pour ces maoïstes, la révolution, la vraie, devait partir des campagnes. Mais c'est ce qu'avait fait Guzman à ses débuts, hein. Ah, c'est parfaitement vrai. Si je pense que ce maoïsme intégriste cachait autre chose. Alors quoi? La drogue. C'était dans les vallées les plus reculées qu'on cultivait la coca. Ses opposants n'avaient pas d'autre ambition que de continuer à s'enrichir grâce au trafic de drogue. Et les velléités de Guzman de combattre dans les villes pour affaiblir le pouvoir contrariaient leur dessein. D'autant qu'ils avaient déjà parti liés avec ce Montesinos dont nous parlions il y a quelques instants. Montesinos qui, lui aussi, voulait avoir sa part dans le marché de la drogue. Alors, il y aurait donc eu, en quelque sorte, une conjonction d'intérêts contre Guzman. Bah écoutez, je n'en ai pas la preuve, mais enfin, je le pense. D'ailleurs, un des principaux dirigeants du Sentier Lumineux, son trésorier, en fait, a été rapidement libéré après le coup de filet opéré par l'unité antiterroriste de la police. Et le chef de cette division, un général considéré comme un héros au Pérou, pour avoir arrêté le président Gonzalo, n'a pas tardé à être limogé. Oui, parce qu'il en savait peut-être un peu trop, ce dernier. C'est vraisemblable. Enfin, toutefois, là n'est pas le plus étonnant. Abimael Guzman, filmé après son arrestation dans une cage comme un fauve, est ensuite traduit devant un tribunal dont tous les juges sont cagoulés. Il est condamné à perpétuité pour sa responsabilité dans 25 000 meurtres. Mais un an plus tard, il adresse une lettre au président Fujimori. Qu'écrit-il, hein? Il demande à négocier la paix. Oui, parce que certains de ses compagnons ont continué le combat. Hein, oui, et justement, il demande à ses guerrieros de cesser la lutte armée. Demande qu'il renouvellera à plusieurs reprises. Alors, comment expliquer ce spectaculaire retournement? Guzman, enfin, c'est ce qu'on a prétendu, aurait été victime d'un lavage de cerveau. Ça me semble tout à fait possible. Moi, je crois qu'il a plutôt été l'objet d'une machination montée par Montesinos et peut-être Fujimori. Il lui aurait été promis une réduction de peine contre cette déclaration. Montesinos avait en effet besoin de la paix pour continuer de mener ses affaires en toute tranquillité. Et Fujimori aussi, qui voulait faire adopter une nouvelle constitution qui renforçait ses pouvoirs présidentiels. Alors, Guzman se serait fait rouler? Je le pense, oui. Mais à ma connaissance, en tout cas, il est toujours en prison, hein? Exactement, même si son premier procès a été cassé. Mais enfin, notez-le bien, un nouveau procès civil, cette fois-ci, s'est ouvert en novembre 2004. Toutefois, après 10 jours seulement et de nombreux incidents, le tribunal a été dissous. Exactement comme si on voulait que le chef terroriste garde ses secrets pour lui. L'arrestation de Guzman n'a, en tout cas pas mis fin à la violence au Pérou. L'ex-sentier lumineux s'est perpétué en sentier rouge et renaît périodiquement de ses cendres. Toujours en collaboration avec les producteurs de coca, les cocaleros. Un dernier mot. La guerre menée par le sentier lumineux a non seulement provoqué la mort de presque 70 000 personnes, mais elle a aussi coûté 12 milliards de dollars, soit 4 fois la valeur des exportations du Pérou. À samedi prochain, et je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pouvez réécouter cette émission et même les programmes plus anciens. Et je vous rappelle aussi que désormais, des CD de Rendez-vous avec X, coédités par Radio France, sont disponibles dans le commerce. Bonjour, je suis en ligne avec... Madame Poliac, fleuriste à Limoges. Je sais que vous êtes équipée du porte-monnaie électronique Monéo. Vous en pensez quoi? C'est tout nouveau pour moi, c'est des clients qui m'en ont parlé et qu'il faut bien rester dans le coup, alors je m'y suis mise. Alors, vos premières...